Oh, enfin, l'armure, c'est sympa. Hein. On est à l'antenne? Générique! Bonsoir, je suis Roger Delisle, le pape du cool. Vous écoutez Vaticool, diffusé en direct depuis les prestigieux studios Cracro. Sur Station, Station, la Station, la Station! Ouais! Cathédrale sur plage de la Porte d'Aubervilliers, 75-018 Paris, jonction 18e, 19e, Île-de-France. La station Gare des Mines a sorti un catering conséquent. En effet, c'est un authentique chevalier en armure de plate qui est attendu aujourd'hui dans notre cathédrale et la plage de la station sans la saucisse. Aujourd'hui, on festoie. Une colossale statue de notre invité du jour est en cours de construction. Avec son périphérique submergé, sa cathédrale et sa plage, la station Gare des Mines ressemble désormais à un sacré parc d'attractions. L'émission se finance, j'attends mon nouveau chroniqueur. Vous verrez, il est bien. Coûte cher par contre, cet enfoiré. La vie est douce. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, on parcourait le monde à la poursuite du pasteur et maintenant on s'en coûterait presque. J'en suis presque à la déprime de type Balthazar Picsou qui s'emmerde dans son coffre-fort. Mais d'un autre côté, c'est bien de ne pas galérer. Oh oui, c'est bien de ne pas galérer. Mais... vous entendez? Mais oui, c'est son générique! À Babylon City, la nuit tombe. Nos anciens ennemis menacent le monde. La lumière fugace de l'orée. Seul un homme peut tuer la bête immonde. C'est Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mac. Il est où? Ah il... Ok, d'accord, ok, je comprends. Magnum n'a pas pu se déplacer. Je ne suis pas complètement à poil puisque j'ai avec moi le compagnon d'armes de Magnum, celui qui narre ses aventures extraordinaires, l'homme aux écus sur les yeux, j'ai nommé Sauveur l'Immortel. Salut Roger. Cet heure l'immortel est à la régie, le retour du héros. Il vous avait manqué et le public le réclamait. Natif d'une île paradisiaque devenue aujourd'hui un paradis fiscal dans lequel les économies colossales de l'émission sont stockées. Fidèle Sherpa caribéen qui a sorti un disque chez Magic Dancer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à la régie, le fantastique Puzu Puzu. Tout de suite, je te propose, Immortel, qu'on écoute le premier titre esclave du rock'n'roll pour lequel est sorti il y a peu le clip vidéo. On écoute ça, on en parle après, ça te va? Oh, rock'n'roll. Oh, oui! Et c'est parti! Attention! L'odeur du cuir des pères. de sauvage venu du fond des âges. Des hommes en noir l'ont un jour inventé pour faire bouger tes pieds. Et si le soir dans les boîtes de nuit tu préfères rester assis, épisode 15, avec Sauteur Immortel. Salut Roger. Comment ça va? Écoute, ça va bien, et toi? Ça va. Donc le titre qu'on vient d'écouter du coup, c'est Esclave du Rock'n'Roll par Magnum. Ouais. Magnum, donc l'homme en armure. Magnum. On va peut-être raconter son histoire dans un instant. Et c'est un vidéoclip dans lequel j'ai failli jouer. Eh oui. Mais il neigeait. Mais tu nous as plantés comme des merdes. Ouais, si tu veux la vraie histoire. Tu veux la vraie histoire. Je t'ai pas réveillé, c'est non, ça non. Il y a de ça, mais pas que. Écoute, il neigeait et j'avais plus de chaussures étanches. Ah je merde. Je te jure que c'est vrai. Ah, mais je te crois sur parole. Regarde la gueule de mes bottes. Ouais. Tu, là tu là, vois, elles sont pas très étanches. Ouais. Bah, ouais. Si tu veux, j'avais plus. Par contre, elles sont super belles, quoi. Ça aurait fait un super accessoire pour votre clip. Oui. Et elles ont beaucoup souffert. Ouais. Des années d'entraînement, tout ça. Enfin, ouais, bref. Ouais, ouais. Sur une montagne, tu sais. Ouais. Tu connais la version de Kung Fu? Bien sûr, bien sûr. Donc je suis avec Sauteur Immortel qui est donc à la fois musicien et la moitié du coup de l'orchestre Magnum. Moitié tête pensante. Le tiers parce qu'on s'est augmenté d'un troisième larron qui s'appelle Clément, que je salue. Bonjour Clément. AKA La Hire et qui tient la basse dans le groupe. Et donc voilà, on est trois maintenant. Toujours pas de batterie? Bon écoute, on se fie toujours à la puissance des machines. À la puissance des machines, bien sûr. Et du coup, on a joué avec des batteurs et c'est peut-être une expérience qu'on renouvellera dans le futur. Magnum, qu'est-ce que c'est du coup? Parce qu'il y a à la fois du coup donc Magnum l'orchestre, ouais. Également Magnum le roman photo, ouais. Magnum la série de podcasts tirée du roman photo. Ouais. En cours de production, apparemment. Ouais, l'épisode 2, ouais. L'épisode 2, bientôt. Ouais, bientôt, ça va être. Puisque l'épisode 1 est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2016, je crois. Ouais. Non, ça commence à remonter, faut que je bouge le cul, là. 2016, et du coup, épisode donc d'où était issu le générique de Magnum qu'on a diffusé pendant le lancement. Et, tout à fait. Et qui est magnifique, on dirait du Bernard Minet. Ah, merci, mec. Mais alors, il faut admettre que la musique derrière n'est pas de nous. Oui, mais Bernard Minet non plus, la musique derrière n'était pas de lui. Oui, c'est vrai. Donc c'est tu vrai. Vois. Alors pour répondre à ta question, Magnum est avant tout un projet musical qui promeut le sentimental, la musique sentimentale et métal. Et autour du personnage de Magnum, donc le colosse de métal, on développe tout un univers qui est décliné dans le roman photo, l'émission de radio. On peut peut-être décrire un peu cet univers. C'est un univers. Ouais, alors c'est très simple. Magnum est un chevalier solitaire qui parcourt une ville futuriste où les hommes sont revenus à un nouvel âge de fer. Donc cette ville s'appelle Babylon City. Et Magnum essaye de protéger le peuple de Babylon City contre les suppôts de la sombre mélodie qui essaye d'asservir le monde. Donc voilà. La potion magique. Bien sûr. Magnum. Comment tu t'appelles? Oui. Et du coup, je suis perdu dans mes notes une fois de plus. Du coup, est-ce qu'on peut dire finalement que Magnum est un projet à la fois disruptif et cross-média? Hashtag Startup Nation. Ah ouais, complètement. D'ailleurs, on a fait un clip pour Macron, mais on attend toujours sa réponse. On espère, s'il nous écoute, ouais, qu'il répondra. Manu, si tu m'entends, écoute. Et on est seulement avec toi aujourd'hui parce que Magnum a un boulot. Et bah Magnum, là, ouais, il est sur le champ de bataille. Il n'a pas pu nous rejoindre, mais on va l'appeler au téléphone tout à l'heure. Il se fera un plaisir de nous parler. Oui. Il y a quand même quelques références de type Donjons et Dragons dans Magnum aussi, un peu. Tout à fait, tout à fait. L'auberge du bras amical, notamment. Oui, oui, voilà. Pour quelqu'un qui a poncé l'enfer de Baldur's Gate. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, justement, c'est, ce que c'est plutôt le, comment dire, c'est plutôt l'apport de mon collègue Louis, donc qui incarne Magnum, qui est un grand joueur invétéré de ce genre de, qui est plutôt numérique dans l'approche de la. De l'heroic fantasy. Moi j'étais plutôt branché livre dont vous êtes le héros quand j'étais petit. Je sais pas si tu vois ces trucs. Je vois très bien, oui. C'est une série de livres qui date des années 80 où tu devais lancer une paire de dés pour arriver continuer au bout de la quête. À lire l'histoire. Ouais, bien voilà, sûr. Tout à fait. Et tu m'as fait une sacrée sélection musicale aujourd'hui. Ah bah ouais. Et tu t'es pas foutu de ma gueule puisque. Alors j'ai deux Johnny Hallyday. Ah bah attends. Hommage. T'as pleuré quand Johnny est mort? Ah, j'ai pensé au suicide, mais je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un reprenne le flambeau, donc tu vois, je suis resté, quoi. Et qui de mieux que quelqu'un qui pratique le sentimental pour reprendre le flambeau de Johnny? Et voilà, bah écoute. Grande question, j'ai du Kiss. Ah ouais. Attends, j'ai... Warning. Tu connais? Ouais, je connais. Ouais. Je connais parce que ils... à cause d'une vieille vidéo où ils jouaient à Bercy, mais pas dans Bercy, ouais, sur les marches de Bercy. Ah, génial, putain. En quelle année? C'était dans les années 80, c'était pour la dernière d'une émission de hard rock et metal, justement française. Ouais. Et c'est une vidéo assez magnifique où tu vois donc ces mecs qui, très sincères, mm-hmm, font les marches de Bercy. Mais tu sais qu'il y a une grande. Alors, encore une fois, bon. Je dois confesser que. Et ce, bien avant l'ère post-ironique dans laquelle nous sommes. Ah ouais, non, mais bien sûr. Mais nous, on fait ça. On est très premier degré dans notre approche. Hein. Les gens pensent souvent qu'on prend pas ça au sérieux. Que c'est une blague parce que les chevaliers en armure, c'est trop lol. Mais absolument pas, en fait. Si tu veux, genre nous, on s'habille en chevalier au même titre que Elvis s'habille en cowboy, quoi. Si tu veux, c'est un espèce de. Oui, c'est une revendication. C'est une volonté de faire revivre ce mythe qui est un peu, pour nous, les Français, l'équivalent des cowboys pour les ricains, quoi, tu vois. Ouais. Enfin. Bah, il y a un peu de ça. Hein. Et j'espère, enfin, tu vois, qu'un jour, ce sera aussi évident de voir un groupe. Un groupe français joue en chevalier que de voir un groupe ricain jouer en cowboy. Enfin, je veux dire, personne ne pose de questions à Elvis quand il met la chemise de Lucky Luke, tu vois. Oui. En même temps, vous n'êtes pas non plus les seuls à avoir la passion Châteaufort, parce qu'on avait reçu Pierre Titan de Ex-Catholics Pré et Holy Grail et tout ça, enfin, qui a aussi cette passion-là, notamment, entre autres, par son boulot, mm-hmm, mais aussi même à titre personnel. Ouais. Alors, regarde, tu vois le dessin de vitrail là-haut? Le cheval? Non, à côté du cheval, la secte du passé. Ah, magnifique. Oui, bah ça c'est lui. Bah, c'est magnifique. Donc voilà, avec Shortcoming Records, du coup aussi, la belle qui a quand même trois belles églises en guise de logo, tout ça. Donc le chevalier revient. Eh bah écoute, on est là pour l'accueillir. Et ça c'est beau. Ouais, ouais, bah c'est magnifique. Je te propose qu'on écoute un morceau de ta sélection. Eh bah avec plaisir. Lequel tu veux? Oh, écoute, j'ai du Daft Punk. Moi je serais chaud pour ouvrir avec notre maître à tous, j'ai nommé Johnny Hallyday. Un morceau qui s'appelle Le Survivant, qui est pour moi une énorme inspiration pour le sentimental. Et tout de suite, Johnny Hallyday avec Le Survivant. Vous êtes bien sur Station, ne changez pas de radio. Thank you. Et Vaticool de retour, épisode 15. Allô ? Allô ? Au secours ! Oh, et... Allô ? Ah, on est de retour. De retour avec Sutter l'Immortel de Magnum. Comment ça va ? Toujours, écoute, toujours ça aussi va bien, bien. On est bien dans ce petit studio là, on est très bien installé. T'as vu, on est pas trop mal. Il y a des plantes vertes, des affiches super jolies, des Alors, les plantes vertes, j'étais contre. Ouais. Et par contre, on n'a pas encore totalement fini la cathédrale, du coup, on n'a pas encore la clim. Mais ça viendra. Ok. C'est pour ça qu'il fait chaud un peu dans notre studio. Ok. Mais en écoutant de la musique tropicale, finalement, c'est pas plus mal. Mais bah voilà. Bah, c'était plutôt une chaleur post-apocalyptique là qu'on a. Je parlais de mon tapis. Ah, d'accord, ok. Mais oui, le Johnny Hallyday épique, finalement, le survivant. Ouais, c'est tout. C'est qui m'a fait penser en fait à deux choses. Ouais. Mais pas seulement pour le titre. Ça m'a fait penser un peu au générique de Ken le survivant. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, ouais, ouais, tout à fait. Il y a un petit côté comme ça. Ouais. Et l'autre truc qu'on disait du coup pendant le morceau avec les micros coupés, c'est que finalement, en fait, les sonorités de Magnum sont pas si éloignées que ça. Bah vraiment, je trouve que dans ce morceau, il y a plein de trucs qui nous plaisent énormément. C'est-à-dire que. C'est pas uniquement musicalement du rock and roll, tu vois. Il y a quand même des accords très mélancoliques, quoi, tu vois. Et qui sont vraiment mis en contraste par la violence des paroles et puis quelques interventions de guitare électrique. C'est marrant, ce morceau est sorti dans les années 80, 82, il me semble, 82. Mais c'est une reprise, hein. il faut oui, comme 80% de la discographie de Johnny. Oh non, t'es un peu sévère, non, je dirais 30%. Franchement, t'oublies Johnny 60s. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, finalement, assez rapidement dans les années 60, il s'est mis à avoir des trucs originaux. Quoi. Dans les années 60, ça. Oh bah t'as déjà, genre, il clôt comme la décennie Que je t'aime, qui est un original, tu vois. Mm. Alors t'as quoi d'autre, t'as genre... C'est plus tard en réalité. Il me semble que Génération Perdue, c'est un morceau original aussi. Gros tube. C'est vrai. Et du coup, voilà. Bah, et puis je sais pas si tu connais, il a fait le Palais des Sports pour faire la promotion de ce disque. Et donc le spectacle était très influencé par Mad Max. Alors Johnny prétend qu'il a eu l'idée avant que Mad Max sorte, Mad Max 2. Mais c'est vrai que c'est très proche. Je vous conseille à tous, vous qui nous écoutez, les milliers de gens qui sont scotchés à leur poste. De regarder la vidéo YouTube de ce live qui est absolument incroyable. Mmh. C'est vrai que pour le coup, t'as le côté du coup effectivement très Mad Max dans l'affaire, très très Ken le survivant aussi en fait qui a un peu le côté post-apo finalement. Ouais, ouais. À Johnny post-apo. Ken le survivant est une énorme référence de Magnum aussi. Oui. Ouais. Mais c'est peu étonnant en fait. Il y a tout ce côté post-apocalyptique qu'on ressent pas trop d'ailleurs dans l'épisode 1 du podcast. Oh, oui, alors en fait, on essaie quand même de faire cohabiter aussi l'univers médiéval. Mm. Donc une sorte d'âge médiéval futuriste où les hommes seront revenus à un âge de fer finalement, tu vois. Ouais. Et pour s'éloigner un peu du truc de l'obsession nucléaire des années 80, quoi, qui n'est plus vraiment, à mon avis, d'actualité. Non. Quoique. Ouais, quoique. Ouais, bah, mine de rien, tu sais, on a eu quand même des petits pépins. Un ouais. petit revival comme ça avec le Kim Jong-un, Donald ouais. Trump, tout ça. Oh, bah, c'est en train de se détendre cette affaire, il est en train de faire la paix. Bah oui, ce qui est un peu décevant du coup. Bah ouais, je m'attendais à une bonne petite guerre et puis finalement on va devoir encore un peu attendre. Moi je t'avoue, tu vois, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y avait eu une espèce de crise pétrolière où tu sais, toutes les stations-service étaient fermées, nana. Ouais, enfin, c'était un peu un enfer pour qui se balader en automobile en Paris. Mais oui. Mais pour le coup, c'est vrai que quand il y avait eu ce truc-là, je me souviens que je me baladais en permanence en veste en cuir. Ouais. Tout simplement parce que si ça tournait à la Mad Max, j'étais prêt. Ouais, voilà. T'avais donc forcément une arme à feu dans la doublure, quoi. Bien sûr. Ouais, ok. Bah, c'était un cran d'arrêt, mais c'est pareil. Ouais, voilà, c'est pareil. Soit... Une sorte d'épée moderne, quoi. Ouais, une épée de poche. Voilà, c'est ça, exactement. Et tu fais aussi de la bande dessinée, ce teuf. Ah oui, tout à fait. Sans transition. Ouais, tout à fait, ouais. Je t'ai déjà représenté dans une de mes œuvres d'ailleurs, pour c'est pas vrai. Savoir, ouais. C'était la première fois qu'on disait quelque chose d'aussi vrai sur mon orchestre, à savoir qu'il diffusait un message pour la jeunesse. Ouais, voilà, un message hédoniste. C'est ce qu'on peut dire. Arrêtez la coke, prenez du speed, tout ça. Voilà, c'est ça, c'est bien. Bah, c'est bien. S'occuper de la santé publique, c'est très noble finalement. C'est très important. C'est très important. Et mes amis sont avec moi ce soir. Pouf, pouf, pouf. La passion à Armure et Châteaufort, du coup, ça vient de. Ça vient du coup de se passer rôliste numérique, se passer fantasmé de l'âge médiéval qui est quand même quelque chose de fascinant, quoi, tu vois. Euh, aut- autant pour le côté historique que pour le côté absolument totalement mythologique. Il y a des figures comme ça, des mecs qui ont vraiment existé qui nous intéressent, quoi. Notamment Bertrand du Guesclin. Alors, petite story de Bertrand du Guesclin. Écoute, Bertrand du Guesclin, à savoir le dog de Bretagne, qui a donc mis une grosse misère aux Anglais au XIVe siècle, et dont la vie a inspiré un film en 1949 avec Noël Roquevert, je sais pas si tu vois cet acteur français absolument exceptionnel, qui joue un second rôle. Il joue pas le rôle de Bertrand, je sais plus qu'est-ce qu'il joue Bertrand. Et en fait, ce film nous a inspiré toute une petite série de vidéos qu'on poste sur Facebook, où on fait des doublages, je sais pas si t'as vu ça. D'accord, c'est de là d'où viennent du coup vos annonces de concert. Exactement, en fait. Exactement, pour la promotion de tout ce qu'on fait. Qui sont absolument géniales d'ailleurs. Ah bah merci mec, il y en a une, tu es dedans d'ailleurs. Oui, celle du coup qui annonçait le concert qu'on a fait ensemble, avant même qu'on se connaisse. Exactement. Et ça c'est exactement, beau. Exactement, alors petite histoire, c'est un peu, bon, je casse le mythe, mais en fait Louis qui a fait les voix de cette vidéo a choisi le nom Roger absolument par hasard. Je pense que il avait même pas capté que... Non mais à mon avis c'est Dieu qui lui a soufflé, tu vois, genre à l'oreille. Bien sûr. Et on était super contents de voir qu'en fait c'était à toi que s'adressait ce message finalement qui... Tu trouvais ça beau. Absolument genre métaphysique quoi, tu vois. J'ai trouvé ça beau. Ah bah nous aussi, c'est pour ça qu'on l'a fait. Oh. Et donc voilà, et du coup, mais bon, pour le coup cet extrait était pas, venait pas du film du Guesclin, c'est les trucs qui annoncent, enfin les petites vidéos qui faisaient la promotion du roman photo audio qu'on a fait. Donc j'invite tout le monde à voir ces petits chefs-d'œuvre. Et à acheter, bien sûr, des acheter, choses. Bien sûr. Acheter des trucs. Vatical est une émission avec un grand but lucratif, assumé. Ouais, ouais. Alors, le truc, c'est qu'on est très altruiste et que la plupart de notre contenu est gratuit. Donc, il va falloir qu'on il faut corriger tout ça, les gars. C'est plus possible. Ouais, bien sûr. Rangez-vous sous la bannière de Vatical, on va vous apprendre à faire du pognon. Ouais, voilà. Okay. Avec plaisir. Je te propose qu'on écoute autre chose. Ok. Tu veux que je choisisse ou c'est à ton tour ? Non, tu choisis, c'est ta sélection, je te fais confiance. Écoute... Il y en a un seul que j'ai pas, parce que je l'ai pas trouvé en version propre. Ouais. Mais sinon, tout le reste, j'ai. Bon, alors, on va voir si c'est ça. J'aimerais bien écouter un morceau des Isley Brothers, qui s'appelle Choosy Lover. Et on l'a ! Ok, voilà. Attention, les Isley Brothers, avec Choosy Lover. Et c'est parti. Thank you. Vaticool. Vaticool. Épisode 15 avec Sutter l'Immortel. De Magnum. Dans une ambiance totalement de l'amour. Là, je vois Puzu en régie. Il fait des câlins à sa plante verte. Il est merveilleux. On est bien. On est magnifiquement bien. Qu'est-ce que ça raconte, les chansons de Magnum? Les chansons de Magnum, qu'est-ce que ça raconte? Écoute, c'est... Il y a beaucoup de chansons qui tournent autour du thème de la mort, je vais constater ça froidement. On a notamment un de nos refrains qui fait « Tu pourrais mourir demain ». C'est vrai, d'ailleurs c'est même titre de ce morceau, il me semble, oui, « Tu pourrais mourir demain ». Oui, voilà, on a un autre refrain qui fait « J'ai décidé pour le mois de juin de mourir l'épée à la main ». C'est bientôt. On est en train de travailler sur une maquette qui s'appelle « Tête coupée ». Ouais. Une autre maquette qui s'appelle « Pourquoi as-tu tué cet homme ?». C'est le sentiment guerrier en fait, voilà, de Magnum qui s'exprime là-dedans. Le sentiment guerrier, la conscience que la vie n'est qu'une illusion, n'est qu'un passage, tu vois. Et puis tu vois, il y a cette comment dire, ce paradigme de notre époque qui fait que la mort est une espèce de truc un peu qui n'existe plus vraiment, quoi, en fait. Et c'est pour ça que toi tu es l'immortel. Et exactement. Et c'est parce que j'ai super envie de finir à l'Académie française. Ah. Message à tous les académiciens de l'Académie française, prenez avec vous Sutter l'Immortel. C'est juste parce que t'as envie de te battre avec une épée, c'est ça? Ouais, écoute, c'est plutôt Magnum, hein, le côté. Moi, mon personnage, c'est plutôt un peu une sorte de Merlin qui le guide sur son chemin, tu vois. Genre tu es, je me souviens quand je t'avais vu en concert, tu es le narrateur en fait de l'aventure de Magnum. Alors, c'est pas vraiment vrai. Le mec qui a fait moi j'ai mon personnage en fait dans le podcast qui raconte l'aventure de Magnum, la première aventure de Magnum. Il y a un narrateur qui est incarné par Xavier Falto, qui est un mec qui fait de la radio et de la télé depuis la fin des années 90 et qui a fait cette voix. Et donc moi j'ai pas vraiment le rôle du narrateur, j'ai vraiment le rôle du oui, tu es le compagnon d'armes. En fait, ouais, je parlais au niveau des concerts en fait. Ah oui, alors c'est vrai que... Parce que le concert est aussi un spectacle total, on a quand même un mec en... Alors, on m'a dit qu'une fois vous avez tenté en côte de maille et que vous vouliez plus le faire. Alors, en fait, la première fois que Louis a joué avec une côte de maille sur la tête, le poids de l'objet était tellement conséquent qu'il s'est effondré dans la batterie au bout de la première chanson. Donc, c'est une histoire vraie. Les gens qui étaient à notre concert de la fête de la musique en 2016 s'en souviennent encore. Donc on a opté pour une option plus légère, qui est le casque, qui permet des mouvements plus fluides sur scène, qui a une connotation un peu plus guerrière finalement. Et puis quand on le retourne et qu'on met de la glace, on peut mettre des bouteilles de champagne dedans, donc c'est parfait. Ça c'est pratique. Extrêmement pratique. Du coup, ayez toujours sur vous un casque de chevalier moyenâgeux. Voilà, d'ailleurs on devrait lancer ça, tu vois, pour se faire du pognon, un truc... Ah mais au niveau des produits dérivés, les gars, j'ai un sacré truc, hein, entre les casques Magnum, les figurines articulées. Voilà, ah mais excellent. Non mais c'est clairement un personnage à figurines articulées. Ouais, exactement. Les enfants adorent les chevaliers. Je sais que le groupe Stupéflip a fait ça récemment. Je trouve ça vraiment génial, quoi. J'espère qu'un jour on pourra le faire. On a des centaines d'idées. On voudrait faire une sorte de jeu genre Monopoly avec un plateau, un jeu de plateau. Oui, bien sûr, Magnum, le jeu de plateau. Bah, bien sûr, génial. Déplace-toi dans Babylon City les sombres suppos de la sombre mélodie, quoi. Et puis après, bon, on pourrait même rêver d'une série télé, d'un film, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et vraiment, on veut vraiment intégrer l'aspect fictionnel au projet. Et c'est pourquoi, à la fin de cette émission, tu signeras un petit contrat avec Vaticool qui va, évidemment, sous ta bannière, te ponctionner beaucoup d'argent, évidemment, mais t'en faire gagner un peu. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu m'as attaché quand je suis arrivé ici. Non, il est totalement libre de ses mouvements et il en est très heureux. La preuve, il va choisir un autre morceau. Un autre morceau. Alors, le morceau que j'ai choisi avant, le morceau d'Isley Brothers, c'est plutôt un truc qui me parle en termes de musique. Moi, j'aime énormément la soul et les accords mineurs. Et Louis Georget a une passion absolument démoniaque pour le heavy metal français du milieu des années 80. Donc, pour lui faire plaisir, comme il n'est pas là, je vais choisir le morceau de Warning qui s'appelle Rock City, qui est absolument magnifique aussi, magnifique. Rock City par Warning, qui ont fait Bercy, enfin les marches de Bercy par le passé. We'll be right back. station, station. La station de la station. Vaticool, de retour avec Sutter l'Immortel. Et j'ai en ligne avec moi, depuis les champs de bataille de Babylon City, l'incroyable Magnum. Allô, allô. Oh putain. Ah, on t'entend super bien, mec, c'est chambé. Oh là là, le système. Bah, ça fait plaisir. C'est bien, au moins je peux dire n'importe quoi. Oui, tu peux absolument, mais fais attention. Mais c'est pas grave, t'as qu'à retranscrire ce que je dis. Non, mais t'inquiète, on t'entend super bien à l'antenne, le son est limpide. L'immortel. Tu m'entends, mec ? L'immortel sera mon porte-voix. Non, mais est-ce qu'il m'entend ? Mais il t'entend par le micro du téléphone, en fait, donc du coup, putain, si c'est tourné vers moi. Attends, je te passe l'immortel, du coup. Vas-y. Non. C'est juste pour dire qu'il y a un système absolument futuriste, mec, où genre ton téléphone, enfin le téléphone du pape du coup, il est branché dans un jack et genre tu sors directement dans les enceintes du studio, mec. C'est LA, on est à LA là. Vas-y, man. Effectivement, Vaticool a une installation de haute qualité et je suis avec Magnum, donc qui va nous parler du coup sa petite chronique sur Baldur's Gate. Attention, c'est parti. Je veux faire une chronique sur Baldur's Gate. Plus sérieusement, en fait, du coup, en écoutant l'épisode 1 de Magnum, le podcast, ouais. On s'est du coup rendu. Enfin, je me suis assez rapidement rendu compte de la référence du bras amical, évidemment. Ouais. Et du coup, je voulais connaître ta relation avec les royaumes oubliés. Avec quoi ? Excuse-moi, parce que j'ai pas très bien. Les royaumes oubliés, Baldur's Gate, enfin, tu sais, toute cette séquence de jeu de rôle à l'européenne, en fait, finalement. Allô ? Moi, j'ai joué à ces jeux il y a un certain nombre d'années, et ça a été une période, magnifique de ma vie. J'ai dû perdre genre à peu près un an à finir Baldur's Gate 1. Mais il est super dur en même temps, c'est normal. Moi, je me souviens, je l'avais tenté enfant et j'ai retenté il y a quelques années, histoire de me venger, mais il est beaucoup trop dur pour un enfant. J'étais pas vraiment enfant quand j'y ai joué, je pense que j'étais plutôt préadolescent, voire adolescent. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est pas écrit dans la biographie de Magnum. Ah bon ? Je t'en cache un petit peu. mais bien sûr, j'ai tu beaucoup n'oses pas dire que tu es un pour les royaumes oubliés. Tu n'oses pas dire que tu es un vieux geek ? C'est ça ? Non, si, je te dis, t'as pas trop de soucis. Allô ? J'ai pas trop de soucis avec ça, mais maintenant, j'ai arrêté de perdre du temps avec ce genre de choses, tu vois. Je m'adonne à des. Oui, tu es désormais un adulte, c'est ça, Magnum ? Écoute, tu pratiques le sentimental avant tout. Il faut faire quelque chose. Et je peux pas passer ma vie à jouer à Baldur's Gate, malheureusement. Du coup, t'as. Au secours! Oui, tout à l'heure, avec l'Immortel, justement, on parlait des thèmes, des chansons de Magnum, on disait que c'était un grand rapport avec la mort. C'est toi qui les écris, les chansons, c'est ça? Bah, non, on les écrit à deux, l'Immortel participe grandement quand même. Mais du coup, voilà, parce que je me souviens que quand on avait joué ensemble, du coup, Magnum avait un programme électoral fantastique. Ouais. C'était pendant les élections. C'était pendant les élections, souvenons-nous. Ouais, bien sûr. Bah, le slogan, c'était simple. Hein. C'était voter pour Magnum ou il vous tue. comme on voit, finalement, ça n'a pas tant marché que ça. Et je suis un peu déçu. On a quand même fait 0,1%. Bah écoute, on s'est rendu compte que c'était vous avez remboursé pas forcément l'argument. Attends, on m'indique à l'oreillette qu'effectivement, vous avez remboursé votre campagne électorale. Ce qui est donc un point plutôt positif. Mais les grands médias étaient contre nous. C'est pour ça qu'on a créé notre propre chaîne de news. Oui, effectivement. Je recommande à tes auditeurs, ça s'appelle Magnum News. Magnum News, effectivement. Effectivement, recommander à tous les auditeurs, les millions d'auditeurs de Vaticool, que nous avons notre propre chaîne d'information Magnum News qui diffuse sur Facebook des flash infos principalement orientées autour du thème de Magnum, des activités de Magnum, de la vie privée de Magnum. Il est finalement axé donc sur Magnum. Voilà, c'est Magnum News, 100% d'infos sur Magnum. Finalement, tous ces... Vous êtes vraiment cross-média, en fait, les gars. Vous êtes vraiment disruptifs, comme mec. Je sais même pas pourquoi ils ont... On est des slashers. Ok. Bon, je te laisse parce que... Ah, c'est un coup d'épée, là, que tu viens de te prendre, non ? Non, pas tout à fait. Je suis dans la rue, au soleil, et je vous écoute calmement. Il n'y a point d'ennemi à l'horizon. Oui, dans la rue des champs de bataille de Babylon City, c'est ça ? Ouais, ouais, mais il fait beau à Babylon City, là, l'ambiance est plutôt posée. Demande-lui de parler de heavy metal, mec, il a des choses à dire. Oui, apparemment, tu as une grande passion pour le heavy metal, c'est pour ça qu'on a passé ce morceau de Warning qui s'appelait Rock City. Ouais, tout à fait, le heavy metal français plus particulièrement, oui. Des années 80, je précise. Le heavy metal français des années 80, est-ce que c'est pour ça qu'on retrouve un peu ce genre de sonorité, finalement, dans Magnum? Est-ce que ta question est ironique? Non, jamais. Vatican n'est pas une émission post-ironique comme la plupart des médias français. Je veux dire, je m'appelle pas Cyril Hanouna. Moi, ce que j'essaie d'être, c'est le Michel Drucker du paysage radio podcast phonique français. Bah, je sais pas. Si t'entends ces sonorités dans les chansons de Magnum, dans ce cas, oui. Non, mais par exemple, tu vois, genre, juste avant ça, on a écouté Le Survivant de Johnny Hallyday. C'est vrai que c'est pas si éloigné. Bah ouais, dans les sonorités, je pense, dans les paroles aussi. C'est vrai que c'est plus dans les paroles finalement, parce que c'est assez dur d'enregistrer des guitares métal. C'est vrai. Surtout quand on n'a pas de matos. Vu qu'on a dû revendre tout notre matos pour s'acheter l'armure, si tu veux, genre, on a l'ambition de mettre plus de métal dans le sentimental, quoi. Plus de métal dans le sentimental, c'est une promesse pour 2019 de Magnum. Excellent. Ouais, ça fait partie de notre programme. D'ailleurs, là, il est en train de forcément tuer des électeurs qui n'ont pas voté pour nous, quoi. Oui. Dans la rue des Antilles. Ça fait un sacré paquet de monde. Vous êtes depuis avril 2017, donc. Ouais. On a déjà tué 2000 personnes. Ok, merci beaucoup, Magnum, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Pop du Cool. À bientôt. À bientôt. Ciao. Quel enculé. Quel chic type ce Magnum. Ouais. Non, sérieux. Eh ben ouais, putain. Ah, c'est mon frère de sang, mon frère d'armes. Et alors que le soleil de plomb passe par la fenêtre de Vatican, l'immortel se saisit de sa guitare et improvise une petite mélopée. Ah, merci de m'accompagner à la contrebasse, mec. C'est normal. Que dirais-tu qu'on... Attends, mi majeur là, hein, mi majeur. Ok. Ok, et là on va passer en si bémol. Que dirais-tu une fois cette petite intro finie de changer de morceau, d'en écouter un autre dans notre orchestre? Ah, mais avec grand plaisir. Écoute, je te propose de rendre un hommage à un homme qui m'a beaucoup inspiré. Qui donc? Et dont l'influence souffle encore sur les braises de la musique de Magnum. Il s'agit du bassiste-chanteur d'un groupe qui s'appelait les Beatles, qui eut son petit succès dans les années 60. Un homme qui se prénomme Paul McCartney. It's pronounced English. Hein. Ah. Et c'est un homme qui m'a beaucoup influencé parce qu'il est gaucher comme moi. Et ça t'a posé beaucoup de problèmes dans ta jeunesse. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes, surtout en termes les de... Les enfants te volaient ton goûter. Les enfants me volaient mon goûter, et puis plus tard, dans mon adolescence, quand j'essayais de me saisir d'une guitare pour draguer des meufs dans des soirées, et je pouvais pas tu jouer. Tu pouvais pas, parce que t'es pas en gaucher, et que les droitiers... Enfin bon, tu vois, là, j'ai fait des progrès. La guitare du studio est de droitier, j'arrive à faire ce petit solo que vous entendez dans le fond, tout en parlant. Et donc, on va écouter ce morceau de McCartney, qui est un mec qui m'a absolument... fait kiffer la zik, et quand j'ai fait découvrir ça à Louis Georges, il a été absolument charmé. Donc je crois que le morceau s'appelle Letting Go. Effectivement, Letting Go par Paul McCartney and the Wings, et c'est parti. Thank you. Au secours, je n'ai plus de jingle. Vatican. Ah, je n'ai plus. Ah, tout le stream par Avolo. Pardon. Vatican, l'épisode 15 avec Sutter l'Immortel. Et on devait recevoir un nouveau chroniqueur, mais il est toujours pas arrivé. Il est mort. Non. Non, non, attends, t'es ouf ou quoi? T'as vu le prix que j'ai payé, j'espère pas. Non, on va l'appeler ensemble, histoire de voir ce qu'il en est. C'est qui ce mec? Un célèbre chroniqueur, mais je dirais son nom uniquement si... Si je te torture. Bon, il répondra tout à l'heure, ce n'est pas très grave. En attendant, on est toujours avec Sutter l'Immortel qui fait effectivement des bandes dessinées. Yes. Et on te retrouve notamment à la fin des Gonzaï. Tout à fait. Où tu te mets en scène de diverses manières. Ouais. Mais toujours avec un vrai rapport à la vraie vie. Un vrai rapport à la vie. Je sais pas si t'as lu la dernière dans le numéro sur Seinfeld. Oui, je l'ai lu. Ah, d'accord, j'espère que t'as lu. Ça m'a plu, effectivement. Dans lequel on connaît du coup ta culture en matière de télévision internationale. Il faut dire que j'ai joué le côté justement. J'ai plutôt fait quelque chose sur le fait que je ne connaissais pas cette série, que j'ai essayé de regarder, mais dans laquelle j'ai jamais vraiment réussi à rentrer. Au secours! Pardon. Tu m'as dit que tu sortais aussi en dehors des comics strips pour Gonzaï, qu'as-tu fait d'autre en fait? Qu'est-ce que tu dessines? Ah bah écoute, qu'est-ce que tu fais? Je dessine. Qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? Je dessine énormément de choses pour Magnum aussi. Je sais pas si t'es allé sur les réseaux pour voir un peu ce qu'on mettait. Bien sûr. J'aime bien. Vatico est une émission avant tout préparée. Je développais sur les pages de Magnum sur Instagram et sur Facebook des dessins que je qualifierais un peu de néo enluminure, quoi, tu vois, un truc avec des images très très baroques, traitées dans un style absolument 100% numérique. Et en dehors de Magnum. En dehors de Magnum, écoute. Attention un peu à toi finalement aussi. Oh, écoute, tu me flattes. On parle de Magnum, il est pas là. Toi, tu es là. Ouais, mais attends, je suis à moitié de Magnum, je suis quand même là pour. Oui, vendre la soupe, oui, on sait. Vendre la soupe, je suis à la soupe, là, tu vois. Écoute, je fais aussi un album avec un héros qui s'appelle Jean-Louis, qui est Jean-Louis. Un biker amnésique qui s'est fait enlever, enfin, il est amnésique parce qu'il s'est fait enlever dans les années 80 par une bande d'extraterrestres, et il retourne sur Terre en 2018, et il se crache sur Terre et il perd la mémoire. Encore une... La thématique du cheval d'acier, la moto, enfin tous ces trucs-là. Qui est finalement un thème très très récurrent dans tes œuvres. Ah ouais, bah, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez romantique dans l'image du chevalier errant. Du cheval de fer ou de chair. Le truc, le mec qui traverse les grands espaces, quoi, c'est stimulant. De ton côté américain. Ah ouais, bien sûr. Il y a des très bonnes choses en Amérique, notamment le rock and roll, on ne dira jamais assez. C'est vrai. Tu as joué dans autre chose? Écoute, en fait j'ai rencontré Louis Jeanget un peu grâce à la musique. Enfin, on s'est rencontré à l'école d'art, mais, parce qu'on a fait une école de dessin ensemble. Mais on avait un groupe avant qui était plus orienté pop non genré, on va dire. Un groupe qui s'appelait Destin. Je sais que notre ami Bester aimait bien ça à l'époque. Lester Langs, invité de l'épisode 11 de Vatican, si mes souvenirs sont bons. Après, avec Louis Jeanget, on avait un autre groupe qui n'a jamais vraiment éclos, qui s'appelle les Farfadès, avec Death comme Death. Il y a un morceau qui existe sur YouTube et que je pense que je t'ai envoyé, donc ça fait une excellente transition si tu veux passer un morceau. Mais justement, c'est ce que j'allais te proposer. C'est un morceau qui s'appelle Ninja Warriors et qui est un peu genre, comment dire, le début de Magnum, c'est le premier groupe qu'on a eu tous les deux. Voilà, c'est un instrumental de 2 minutes avec un sample d'un film qui s'appelle Ninja Warrior au début. Un film qui passe, qu'on a découvert sur le site Nanarland, qu'on fréquentait beaucoup à une époque. Nanarland qui fait également un excellent podcast sur Rivière Ferraille. Ouais. Oh, salut. Ouais, ouais, ouais. Tu es consommateur de podcast un peu ? Pas vraiment. Ben, tu vas t'abonner à Vaticool dès que tu sortiras cette pièce. À part Vaticool, voilà, c'est ça. Je suis plutôt un consommateur de vidéos YouTube. Je vois. Eh bien, tout de suite, Ninja Warriors par les Farfadeth. Rare Vision. Écoute-moi bien, Gordon. Je sais que tu es le chef du clan des ninjas de la Force Diamant. Je sais aussi que tu es hérité des pouvoirs magiques de tes ancêtres, les Ninja Warriors. Mais tu ne me fais pas peur. Moi, je suis un descendant des ninjas noirs et j'ai pour intention de reconstruire l'empire de mon clan. Dans peu de temps, je serai le maître de ce pays. Afin de réussir, je vais être obligé de t'éliminer, Gordon. C'est pas une vraie soirée si ça finit pas en bagarre. Vaticool de retour, on a enfin réussi à joindre cet enfant. Allô ? Oui, allô ? Oui, oui, t'as vu l'heure qu'il est ? Attends, avec le chèque énorme que je t'ai envoyé, tu penses vraiment que pas de pointer comme non, ça va être acceptable ? Tout de suite, hein. Tu vas te calmer tout de suite, ton chèque il est pas passé, t'as pas une thune. Comment ça mon chèque il est pas passé, t'es ouf ou quoi enfin... J'en ai marre de tes chèques en bois, d'ailleurs, tu me dois toujours 20 balles. Sérieux ? Mais sûr, attends, évidemment. Écoute, je vais me renseigner avec Puzu du coup, ouais. au niveau de la banque, mais on est pété de pognon, enfin, on fait construire une statue géante de chevalier avec une cathédrale et une plage, je veux dire, on a du pognon. Ouais, écoute, c'est pas avec ton 33 tours chez Gonzai que tu vas être pété de thunes. Hein. Enfin, je veux dire, le Kremlin, il arrose, quoi, enfin, il arrose vénère. Écoute, je me renseigne. Ouais, et je te rappelle plus tard. Bonne journée. À plus tard. Salut. Ouais. Bon. Bizarre. Parce que pourtant, Puzu, t'es vraiment passé à la banque pendant ses vacances. T'as sorti un autre disque ? Non, apparemment, il a pas sorti d'autre disque. Bon, on va savoir. De retour donc pour l'épisode 15 avec Sutter l'Immortel. Yo ! Sutter l'Immortel, du coup, bah... Les BD, la côte de maille... Le rock'n'roll, pas de batterie, roman photo, le sentimental, bien sûr. La carapace du colosse de fer. Ouais, le colosse de métal. Le colosse de métal. Ouais, tout à fait. Ah oui, j'avais changé, oui, pour pas faire redondant dans mon... Voilà, exactement. Dans mon lancement. Vaticole est une émission écrite. On sait ce qui se passe. Enfin, on espère, parce que là, au niveau de la banque, c'est chaud, mais on verra plus tard. T'as un message à faire passer à ta famille, tout ça. Qui écoute cette émission, forcément. Je pense que le message, c'est vivez les yeux bandés sur l'autoroute de l'enfer. Ah ouais. Ouais. Un message donc plein de joie. Un message plein d'aventures. Surtout plein d'aventures. Voilà, c'est ça. Vous jouez demain ? Ouais, on va faire un petit concert demain. Enfin, un petit concert, qu'est-ce que je raconte ? Un concert homérique demain. Ce sera sur les planches de l'International, vers Ménilmontant. Rue Moret. Exactement, voilà, tout à fait. Et on va jouer une 45aine de minutes avec des titres nouveaux, des titres anciens, des titres contemporains, que du sentimental. On a fait 3 répètes de 3 heures, donc on est assez chaud, tu vois. Ah. On sera donc avec Louis, alias Magnum, qui sera au chant. Moi, alias l'Immortel, qui sera à la guitare. Et notre ami Clément, alias La Hire, qui sera à la basse. Et on joue avec Palma Rosa, qui est un nouveau groupe, qui est super, super cool. Je sais pas si tu connais. Qu'est-ce que c'est, Palma Rosa ? Palma Rosa, ils se définissent comme un groupe, non pas de musique de chambre, mais de rock de chambre. Donc c'est du rock optimiste, très bien foutu. Avec notre ami Vincent et notre ami Nina, qui sont ensemble sur scène comme à la ville. Je sais pas d'ailleurs, je sais pas si j'ai le droit de divulguer cette information. Faudra leur demander, on sait jamais. Et donc ils viennent de sortir un morceau qui s'appelle Solo à Oslo, qui est genre super bien. Et on va aussi jouer avec Marquis. Qui est l'ancien chanteur de notre ancien groupe Destin, qui a fait des nouvelles chansons qui sont très jolies et qui va les jouer sur scène. Et je vais, par mansuétude, l'accompagner à la guitare pendant son set, parce que c'est un gros timide. J'utilise le terme timide pour ne pas utiliser un autre terme plus imagé. Le pape du coup me fait signe de lui donner une bière. Je sais pas si c'est une habitude de l'émission d'exploiter les invités. Bah écoute, elles sont de ton côté, tu les as bien planquées là. Et donc voilà. Mais t'en as bu plein. J'en ai bu 3, il y en a 6. Je suis invité, bordel. Ça va être super sympa. Et je regrette que tu puisses pas venir parce que je t'ai invité. Tu m'as dit que tu bossais. Donc, oui, je travaille effectivement derrière le comptoir d'un bar qui s'appelle le 9B. Bah si vous n'allez pas au concert de Magnum, allez au 9B et de toutes les manières... Mais allez quand même au concert de Magnum parce que ça va être vachement bien. Ça va être génial. Alors on a plein de nouveaux morceaux qui sont vraiment super, super cool, super sentimental. Super sentimétaux, excusez-moi. Et du coup, un sentimétal des sentimétaux du coup voilà. C'est validé par la communauté. Si vous pouvez pas venir le 10 mai, donc demain à l'International, on rejoue le 5 juin à l'Olympique Café. Donc j'espère que tu prendras un jour de RTT parce que on espère te voir au premier rang quoi. Ouais, mais faudra qu'on joue ensemble aussi. Ah mais avec grand plaisir. Ce serait vachement bien. Et il faudrait surtout que tu viennes faire de la figuration dans un de nos clips. Parce que... Alors je vais promettre ici à l'antenne de Vaticool. Solennellement. Et devant des millions d'auditeurs, des milliards d'auditeurs, parce qu'on est écouté également... Oui. En Afrique, en Chine. Oui. Voilà, c'est nouveau marché. Hein. Bien sûr, on se développe à l'international avant tout. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on a engagé plus hein ? Bientôt 2 milliards de francophones. Hein, mec, tu verrais l'île dans laquelle j'ai trouvé, je peux t'assurer d'un truc, c'est que c'est loin. Ok, tu m'inviteras pour les vacances. Ah bah tu vas voir, c'est super. On fera un concert au bord de la mer, tu vois. Bien sûr, en chemise hawaïenne et armure de plaque. Le problème, c'est que si on fait un concert sur la plage, notre contrat stipule qu'on peut uniquement arriver sur scène en Cadillac ou en moto. Donc il faudra que tu ouais, ça ira, bien. Bah normalement. Mais mon agent appellera le tien, on trouvera un truc. Bien sûr. On écoute autre chose. Tu veux qu'on écoute autre chose ? Ouais, j'aime bien écouter des trucs. J'aimerais tirer un coup de chapeau métallisé à un ami à moi, qui est un musicien exceptionnel. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Damubis. Et c'est la personne avec qui, personnellement, j'ai commencé à faire de la musique, avant de rencontrer Louis. On faisait de la musique au lycée, et ben un jour il a décidé de faire des petites maquettes dans sa chambre. Il a pondu un chef-d'œuvre de pop mélancolique. Ça s'appelle Adèle Poire-Tiroir. Je pense que tu l'as dans ta... Ah, c'est probablement le morceau que t'as pas réussi à trouver, parce que... Non. Il est sur YouTube. Je ne l'ai pas. Ouais, bah voilà, ça m'étonne pas. mais il est, je sais pas. Mais non, c'était un autre en plus que j'arrivais pas à trouver. Mais pourquoi est-ce que je l'ai pas du coup? Et parce que c'est un truc. Là, c'est du pointu de chez pointu, underground de chez underground. Celui-là, on fera pour une fois. Ce sera la première fois dans l'émission Vaticool, mais on va faire du montage. Oh là là. Dans lequel du coup, on écoutera ce morceau. Adèle Poire-Tiroir. À ce moment. Et en attendant d'écouter Adèle Poire-Tiroir. Qu'est-ce que t'as dans ta sélection? All & Oates, génial. C'est vraiment bien ça. She's Gone. Ça c'est tu vois un des groupes avec Louis qu'on adule le plus. Donc si un jour on pouvait se rapprocher de ce niveau, on serait des hommes heureux quoi, tu vois. Donc, si tu veux bien mettre ce morceau, mais putain, je pense que je réponds plus de rien. Eh ben on l'écoute tout de suite. Ouais. Au secours! C'est pas une vraie soirée si ça finit pas en bagarre. Et Vaticool est de retour pour l'épisode 15 et pour la dernière séquence de l'émission. Alors, contrairement à l'autre qui nous a lâchement abandonné, oui, Ah, voilà, on a Enzo Bodo qui est avec nous en ligne. Et tout de suite, jingle Enzo Bodo. Oui, bonjour Roger, alors je suis en direct du rempart. De la porte d'Aubervilliers, le flash spécial d'Enzo Bodo. Enzo, comment ça se passe au niveau du rond-point de la porte d'Aubervilliers? Tu as manqué à beaucoup d'auditeurs, tu sais. Eh oui, je sais. Écoutez, beaucoup de ronds-points à couvrir. Et effectivement, j'ai dû délaisser le rond-point de la porte d'Aubervilliers. Mais ça y est, je suis bel et bien revenu. J'ai posé mes valises pour l'été. Et c'est un rond-point plutôt calme aujourd'hui, hein, bouchonné légèrement. Le périph est assez fluide dans les deux sens. Voilà, les migrants font la manche, les prostituées sont rentrées. C'est finalement un rond-point assez calme. Hein. C'est un rond-point calme, mais dans une ambiance tout à fait printanière, c'est ça, Enzo ? Pardon, excusez-moi. Enzo, c'est un rond-point donc assez calme, mais finalement dans une ambiance plutôt estivale. Plutôt estivale, oui, tout à fait. Oui. Donc, colle bien avec notre périphérique submergé pour que Marie Lanu puisse faire du jet ski. Tout à fait, tout à fait. Super, merci beaucoup Enzo, à bientôt. Mais je vous en prie Roger, excellente journée. Attention, retour du Nigel Enzo Bodo. Sur le rond-point. C'est toi ça ? De la porte d'Aubervilliers. Le flash spécial d'Enzo Bodo. Et on approche du coup, comme je disais, à la fin de cette émission. Ça t'a plu ? J'ai passé un moment excellent. Au secours ! Si c'est l'effet que ça te fait. Non, pas toi. La machine aujourd'hui a décidé de faire des siennes. Moi, je t'avais prévenu que les machines remplaceraient les guitares. Oui, bah comme tu le vois, ça marche super bien. Ouais. Puisque en effet, donc c'est la fin de cette émission et tu reviendras toi aussi pour le stream spécial de Vaticool qui va durer beaucoup trop longtemps. Eh ben avec 18 plaisir. Heures de stream. Et cette fois, je vois Georges sera là parmi nous. Et ce sera beau. Aka Magnum is in the house. He will be in the house. Because he's not in the house. Et tout de suite des annonces. Cette semaine, notre merveilleux sponsor Le Kremlin, situé au 6 rue André-Antoine, 75018 Paris, vous propose de venir boire samedi soir au dernier week-end du Kremlin avec un open shot de 5 minutes toutes les heures. Le Kremlin, 6 rue André-Antoine, 75018. Bah. Quoi ? Ah ! Un coursier en scénarium vient. Mais oui, Puzu, laisse-le entrer. Ah, on voit d'ailleurs que en régie, Puzu a été rejoint par Juju PMU. Juju PMU que l'on salue, évidemment, et qui m'a fait penser à Nyon. Attends, alors, je lis. T'as déconné, Roger. Les dépenses pour la cathédrale et la plage passaient limite, mais là, c'est impossible de suivre. La statue géante nous a mis sur la paille. C'est fini, mon vieux. T'as plus un rond. On adore ton émission. Viens faire un live chez nous. Après, on met la clé sous la porte. Signé Le Kremlin. D'accord. Les détails pour le live viendront sur les réseaux sociaux facebook.com/rogerdelille vaticool rogerdelille vaticool. On rappelle que vous pouvez retrouver Sutter l'immortel dans Gonzaï à la dernière page. Merci madame. Ouais, remettez du micro à Sutter. Enfin, ouais, on attend. Mais non mais mec, t'as pas ton casque. Bien sûr, j'ai plus de casque. Évidemment. Vaticool est une émission préparée, c'était un gag. Sutter l'immortel, donc en dernière page de Gonzaï, donc dans le dernier numéro est sur Seinfeld. Ouais, ouais. On peut également le retrouver dans Magnum, donc demain. À l'international. À l'international. Vers 21h. Posez-vous, écoutez le sentimental. Et dans le clip de Magnum, Esclave du Rock'n'Roll, disponible sur YouTube. Like, share, comment. Et il est disponible sur aussi toutes les autres plateformes. Et sur toutes les autres plateformes, celles qu'on regarde moins. Auxquelles je n'entends rien. Mais ouais, mais regardez ce clip, abandonnez-vous devant ces images de violence et de sentiments. Et allez le voir si l'ambiance chaîne de fer, blouson de cuir et armure de métal vous émoustille. Pour ma part, retrouvez-moi ce soir avec Stanislas de la Fuse pour la nuit punk de Supersonic, à partir de 23h30 et ce jusqu'à 6h du matin. On sera Entr'acte Tonic and the Gin Twist. Non, Entr'acte de Lille and the Gin Twist, sinon ça marche pas. Vous pourrez également me retrouver mercredi prochain le 16 à la Mécanique Ondulatoire, au 6 passage tiré, ainsi que le 17 à 9B 68 boulevard de la Villette, 75019 Paris pour les papes du cool numéro 33 et 34, si je ne m'abuse, noté en chiffres romains, XXXIV et XXXIII. Pour le 16, je jouerai Pink Solaire et le 17, Disco et House PD. Du coup, je comprends mieux comment cette émission tourne, en fait. Du coup, c'est normal, vu qu'on n'a plus de sponsors, apparemment, à partir de la prochaine. Puzu, on repart à l'aventure. On n'a plus un rond, il nous faut de nouveaux sponsors. J'espère que t'es chaud. Je suis Roger Delisle, le pape du cool. L'émission s'appelle Vaticool. As-tu déjà connu l'amour ?